Nous sommes... Bonjour. En guerre. Bonjour. En guerre. La matinale des bons cons. De 10h à 11h. Mais bonjour, voilà, on va pas faire toute l'émission en ASMR quand même, faut pas déconner. Même si c'est très rigolo. Comment ça va, Ambondoug, comment ça va, Chloé? Ça va bien. Et bah moi aussi ça va très très bien. Ouais, ah bon, on a fait des petites peurs, hein. On a commencé 5 minutes en retard, il y en a qui ont eu des petits... J'ai été faire caca, normalement je le fais après l'émission, puis là je me suis laissé porter, donc voilà, j'ai décalé un peu le timing du coup de 5 minutes. Ça arrive même au meilleur. Je crois même que ça arrive à tout le monde. Hein, ça arrive à tout le monde, oui, en effet. D'aller à la selle, comme exactement. On dit. Exactement. Voilà, et bien aujourd'hui 9 avril, journée internationale de l'ASMR, n'hésitez pas à aller chuchoter des petits bruits. Ou peut-être ramasser une tarte dans la gueule, ça dépend de la personne. Hein. Alors aujourd'hui, nous fêtons une bonne fête au Dimitri. Bonne fête, Dimitri. Yes. Voilà, bonne fête au Dimitri. Bonne fête à eux. Pardon. Voilà. Ça m'a perturbée. Alors, éphéméride, comme tous les jours, les amis. N'est-ce pas? Vous avez hâte de savoir ce qui s'est passé un 9 avril? Voilà, tellement oui. De choses. Tellement alors, de choses. Eh bien, le 9 avril 1867, c'est le rachat de l'Alaska à la Russie par les États-Unis. C'est important, car c'est le 49e État des États-Unis, l'Alaska. Et d'ailleurs, Alaska, c'est une candidate de la saison 5 de RuPaul. Le 9 avril 1975, c'était la sortie du film Sacré Graal des Monty Python. Si vous ne l'avez pas encore vu, allez le voir, car il est vraiment très très bien. Oui. Oui. Le 9 avril 2003, c'est également la chute du régime de Saddam Hussein en Irak, qui était là depuis 24 ans. La chute du régime, bah putain, ouais. J'espère qu'il a pas trop pris trop de poids après. Non? Si, elle est bien. Elle est très très bien. Pardon, je suis un peu tête en l'air aujourd'hui. 9 avril 2005, c'est les épousailles de Charles, prince de Galles, avec Camilla Parker Bowles. C'était son amour autosuffisante, Chloé Soulard aujourd'hui, autosuffisante. Hein. C'est bien de marcher en circuit fermé aussi, hein. C'est ce qu'on appelle la décroissance finalement, la décroissance de l'humour, Chloé Soulard, finalement. Excusez-moi. Non mais vous excusez pas, désolé, vous avez le droit d'être de bonne humeur. Je vais pas m'excuser d'être moi. Comme dirait Mélanie Laurent, non, non, oh, c'est pas elle qui dit ça. Oh bah elle dit tellement de conneries, mais c'est vrai que Mélanie Laurent, ouais, ça sonne bien Mélanie Laurent. Ah oui, je vais pas m'excuser d'avoir du talent. Dire bon. Aujourd'hui, plusieurs anniversaires. Déjà, titre personnel, je souhaite un très bon anniversaire à Fabien, le coloc de Tata Lolo. Voilà, bon anniversaire Fabien. Également, alors Fabien, tu partages ton anniversaire avec d'autres gens. Tu partages ton anniversaire avec avec Charles Baudelaire. C'est quand même vachement classe. Surtout si tu as fait une terminale L. J'avoue que c'est encore plus classe. Aujourd'hui, c'est également l'anniversaire de Léon Blum. De Jean-Paul Belmondo. Bah, on t'embrasse, hein. Bébel, pardon. Bébel, ouais. Bébel, on t'embrasse. Voilà. C'est... Un petit film de Belmondo à recommander comme ça, là. Un petit film de Belmondo. Je connais pas très bien Belmondo. Attends, la nouvelle vague, là, le... Qu'est-ce que c'est dégueulasse, si, là. Si, si, c'est, ouais. Comment il s'appelle, ce film? Avec Anna Karina. Non, pas Anna Karina. Belmondo Godard, on va googler. À bout de souffle. À bout de souffle, merci bien. À bout de souffle, à bout de souffle. Voilà, nouvelle vague. Qu'est-ce qu'il dit dedans? Il dit juste... Moi, je me rappelle qu'est-ce juste de la réplique. Qu'est-ce que c'est, dégueulasse? Oui, c'est ça, mais c'est pas Anna Karina qui dit ça, j'ai oublié son nom britannique, là, mais bon... Voilà, on est Bébel, plus, on vous n'êtes pas sur Arte, si vous voulez des références culturelles, vous tapez sur internet. Je pense Bébel est peut-être dans un des bingos, parce qu'il est très très vieux, il a quand même... Ah, Jean Seberg, merci bien, c'est pas ma cam. Merci, et on l'avait pas maté au lycée, Elsa? Bah moi j'ai été le voir au collège avec le truc, l'espèce de dispositif qu'il y avait pour acculturer. Ah mais tu l'avais vu en SNI? Ouais, il me semble. Eh, ça se trouve, on était là aussi, t'étais avec Cadou, ouais. Ouais, non, mais... c'est des cinéma l'Eden en SNI, RPZ. Calme-toi, Chloé. Meublez-moi. Pardon. C'est la plus grosse meublée du cinéma Eden. Oui, oui. Et il y avait aussi Véranda Concept Alu. L'été, j'en profite, l'hiver, j'y habite. Il y avait ça qui passait aussi. Alors, c'est l'anniversaire également de Dennis Quaid. Je sais pas si vous voyez qui c'est, Dennis Quaid. C'est le mec qui aimait bien faire du Quaid. Non. Dennis Quaid je perds mes mots. Dennis Quaid qui a joué dans un super film que je vous conseille à tous. C'est L'Aventure Intérieure. Mais voilà. Oui, mais c'est ça. Il joue dans L'Aventure Intérieure avec Meg Ryan. C'est super bien. C'est l'histoire d'un mec qui se fait miniaturiser dans le corps d'un hypochondriaque. Qui est joué par Martin Short, et c'est une de mes petites madeleines de Proust d'enfant. Voilà, L'Aventure Intérieure avec Dennis Quaid, je vous le recommande fortement. Aujourd'hui également l'anniversaire de Cynthia Nixon, que vous pouvez voir dans Sex and the City. Voilà, c'est son anniversaire aujourd'hui. Aujourd'hui également l'anniversaire de Leighton Mister. Je ne sais pas, qui jouait dans Gossip Girl. Bisous bisous, XOXO, Gossip Girl, voilà, pour les zoulettes, c'est pour vous celle-là. Ah bah voilà, puis après on va dire c'est moi qui ai le discours hétéronormé, les histoires de genre, il n'y a que des femmes qui regardent Gossip Girl, je trouve ça scandaleux. Hein. J'espère que vous avez préparé des bonnes excuses pour la fin de l'émission, parce que sinon ça va mal se mettre. Aujourd'hui également l'anniversaire de Blaise Matuidi. Allez, champion du monde, champion du monde. Amenez la coupe coup, à la maison. On va écouter VG Dream. Non. Comment dire? Aujourd'hui également l'anniversaire de Kristen Stewart. Kristen Stewart, hein, qui a joué dans les Twilight, ce fameux film avec des gros partis pris artistiques. Et qui a trompé Robert Pattinson. Alors ça c'est No Way Jose. Alors fun fact, Robert Pattinson, il est né le même jour que moi, le 13 mai. Yes. Fun fact narcissique. Voilà, Kristen Stewart, que vous avez pu voir dans plein de films vraiment très bien. En vrai, elle a une très bonne filmo, mis à part peut-être les Twilight et les Blanche-Neige. Sinon, elle a une filmo assez, assez charmée. Aujourd'hui, également, l'anniversaire de Ryan Bensetti. Je l'ai noté pour Kemal, parce qu'à chaque fois, je lui dis qui c'est et il oublie tout le temps. Eh merde, j'ai encore oublié, c'est qui Ryan Bensetti? Putain, mais on a eu cette conversation il n'y a pas une semaine. Oui. Vous m'avez justement dit que systématiquement... ben voilà, c'est que vous m'en parliez, je posais la même question sans piternel, mais ça c'est le problème de regarder des films en fumant des pétards. Hein. Alors voilà, Ryan Bensetti, ben, un petit beau gosse, voilà, qui est pas piqué d'hanneton, hein, apparemment, qui a fait Redanse avec les stars, qui a des tablettes de chocolat, et voilà, mais qui joue très très mal par contre. Et dans quel film on l'a vu, Anna? De la merde. Ok. Que des trucs de merde, généralement. Ok, ça marche. Voilà. Il a fait un film où il danse, je crois. Mais okay. Je ne l'ai pas vu. Et c'est aussi l'anniversaire de Elle Fanning. Elle Fanning. Et ben en France on dit Elle Fanning. Ah ouais d'accord, on en est là quoi, Jean-Michel Larquet quoi. Voilà. Alors j'en ai trois autres anniversaires que je gardais pour la fin parce qu'elles vont de pair avec la chanson qu'on va vous mettre. C'est trois personnes qui sont d'une sensualité extrême. Vraiment, là on est dans la chaleur, on est dans l'érotisme, j'irais même dire. Il commence à faire chaud dans le studio. Le studio. C'est l'ASMR. C'est l'ASMR hot. Alors aujourd'hui c'est l'anniversaire de Hugh Hefner, le fondateur, créateur de Playboy Magazine. Voilà. Aujourd'hui, c'est également l'anniversaire de André Manoukian. André Manoukian et ses phrases érotico-musicales, exactement. Hein. Et c'est également l'anniversaire de Céline Tran, que vous connaissez peut-être mieux sous le petit nom de Katsuni, actrice à caractère pornographique, il fut un temps. Voilà, il fait chaud, il fait beau. Ce n'est pas Francky Vincent que nous allons vous passer, Madame Mona. Nous restons plutôt dans le saxophone, dans la sensualité, la volupté. Kéman, qu'est-ce que vous allez nous passer comme chanson ? Eh ben, on va s'écouter une chanson qui respire la sensualidad. S'appelle Careless Whisper de George Michel. Comme des sauvages, le petit Georges Michel. Hein, fait vraiment trop chaud sur le plateau. Ouais, en train de se pire, là, j'ai mon maillot de corps qui me colle au poil du torse, là, c'est n'importe quoi. Permettez-moi donc, je sais que vous vous joindrez à moi pour compléter cet éphémérique, parce qu'aujourd'hui, on a oublié un anniversaire qui est non des moindres. C'est un invité que nous avons déjà eu comme invité. Voilà, donc c'est un invité que j'ai déjà eu en tant qu'invité dans mon propre appartement, dans mes divers chez moi. C'est un de mes meilleurs amis, c'est Charlie Lecomte, a.k.a. Joseph Goldwyn Mayer, qui a gagné, a.k.a. Jessica Alba, fidèle auditeur et oui ça plusieurs détenteurs du prix du cinéma chez nous. Très très bon anniversaire à Charlie Le Comte. Si je m'étais économisé en début de réalisation matinale, et ben j'aurais fait une chronique musicale spéciale Arctic Monkeys. Malheureusement, comme vous le savez vous-même, Joseph Goldwyn-Mayer, c'est déjà fait. Mais on va quand même s'écouter ce groupe que vous avez littéralement dans la peau. On va s'écouter un petit Arctic Monkeys et non des moindres, juste avant d'appeler notre invité et pour vous faire rêver, Joseph, Jessica, Charlie, puisque ce sont là tous vos alias. Nous allons nous écouter un number one party anthem et puis on se retrouve juste après avec notre invité téléphonique, Zoubi les Cocos. Left already on now. Leather jacket, collar pop like antenna. Never knowing when to stop. Sunglasses indoors, par for the course. Lights in the floors and sweat on the walls. Cages and poles. Search for your soul, I'll put it on hold again. She's having a sly end of smoke. She calls the folks who run this, her oldest friends. Sipping a drink and laughing at some imaginary jokes. As all the signals are sent, I rise and invite you to approach. And it seems as though those lumps in your throat that you just swallowed have got you going. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Number one party anthem. She's a certified mind blower, knowing full well that I don't. Somewhere from which I might know her, just to get the ball to roll. Drunken monologues, confused because it's not like I'm falling in love. I just want you to do me no good. And you look like you could. Come on, come on, come on. Come on, come on, number one party anthem. Come on, come on, come on, before the moment's gone. Number one party anthem. Yeah, yeah. The look I blow, the rush I blow, the she's with me is the guy. Pas de chez moi. direct sur la radio des bons cons, c'est la matinale, il est 10h24. Et comme tous les matins, nous recevons des invités. Alors vous savez que nous on aime bien diversifier dans cette matinale, avoir des gens de tous les horizons. Tous les horizons, hein. On essaye d'avoir le plus possible de témoignages de témoignages de vie, hein. Je dirais comme ça. Et ça va être également le cas avec notre invité du jour. Notre invité du jour se trouve actuellement à Saint-Amand-les-Eaux dans le Nord-Pas-de-Calais. Et je vais le laisser se présenter depuis le Nord. Voilà. Bonjour invité. Salut, bonjour à tout le monde, bonjour. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter invité? Ouais, voilà, moi je m'appelle Régis, j'ai 60 ans. Moi je suis chef expert comptable. Et ben, je vais vous parler un peu de ma vie, un peu de comment ça se passe pour un expert comptable aujourd'hui, je dirais même pour un chef d'entreprise, voilà, tout simplement. Bon. Alors, est-ce que tout se passe bien pour vous pendant ce confinement, Régis? Bah, faut pas dire que tout se passe bien, puisque ça se passe forcément mal, hein. On pouvait pas prévoir ce genre de choses. C'est clair que ça nous fout dans la merde, nous, hein, professionnels. Donc, quand on se marre, quand on s'amuse, ça va, hein. Quand on a des petits métiers, on s'amuse, c'est cool, c'est bon. Mais là, quand on a du concret et du terrain, c'est compliqué, non. C'est compliqué, parce que du coup, je suis en télétravail, moi. Hein? Et il s'avère que je suis obligé d'installer mon bureau dans la salle de bain pour avoir un temps de tranquillité. Hein? Parce que j'ai 4 gamins, donc j'ai 3 filles et un garçon, puis bah, la mère s'est barrée. Donc autant vous dire que ça fait du bruit à la maison et qu'il faut que je sache me démerder pour avoir de la tranquillité. Quoi. Donc, hein? Donc Régis, vous êtes chef d'entreprise et père célibataire. Voilà, c'est ça. Oui, c'est en ça. Effet, c'est compliqué. Bah, c'est pas ça, parce que moi, d'habitude, si tu veux, les parents se peuvent tutoyer, je sais pas si je peux tutoyer, hein. Allez-y, faites comme bon vous semble, vous êtes chez vous à la radio des Bécons. Si tu veux, grosso modo, je veux dire une chose, c'est normalement, les enfants, ils font une semaine sur deux, bon, et c'est-à-dire qu'avec le confinement, là, sa mère, bon, soi-disant, elle a choisi, mais toute seule, hein, forcément, comme d'habitude. Elle a dit que tu les gardes chez toi parce que t'as une maison plus grande, mais c'est pas mon problème, tu gagnes plus de pognon. Bon, donc ce qui se passe, c'est que je les garde à la maison, donc alors vous imaginez pas le bordel, avec les doigts et tout le bordel, ils se démerdent. Moi j'ai du boulot, moi je dois faire, là je dois rendre des bilans, hein, les bilans pour les entreprises, c'est à la date d'ouverture de l'entreprise, donc voilà, et donc la plupart des bilans que j'ai pour les entreprises, c'est fin avril que ça se passe. Alors là, je vous laisse pas le bordel, en plus, avec le bordel économique qui se passe, là, c'est vraiment un bordel pas possible. Donc là, j'ai besoin de temps et je me retrouve, moi, dans ma pauvre chambre, dans ma pauvre salle de bain, à me démerder. Donc ça, c'est un sacré bordel, quand même. Est-ce que, pour donner une idée un peu plus précise de votre entreprise à nos auditeurs, vous pouvez un peu nous dire combien vous avez d'employés, en quoi elle consiste, peut-être, je sais pas, son fonctionnement, grosso modo? Bien sûr, bien sûr. Alors moi, je suis chef expert comptable, voilà. Je dirige principalement des comptables, ça va de soi, hein. On est 5-6 comptables et après, forcément, ça tourne, bien sûr, parce que j'en embauche en freelance, hein, qu'on se dise. J'en embauche en freelance et du coup, ça tourne. Et principalement, on dirige, en fait, si vous voulez, on est comptable, hein, expert comptable sur différentes entreprises. Donc ça peut aller de la petite TPE, hein, à la PME. Et puis après, bah, des fois, là, par exemple, si vous voulez, fin avril, je dois gérer le bilan d'une entreprise de lait pour bébé, par exemple. Hein. Ou alors, je dirais pas de nom, hein, mais chez les leaders de cantine pour des grandes entreprises. Donc forcément, ça tombe à l'eau, quoi. Hein. Oui, oui, les entreprises sont ouvertes, tout le monde est en télétravail à la con, hein. Donc forcément, ça la met pas forcément bien. Donc voilà, on gère principalement tout ça, hein. Bon, on a peut-être un ou deux cabinets d'avocats de temps en temps, ou ainsi de suite, hein, mais sinon, ça reste principalement de l'industriel, de l'agroalimentaire. Voilà. D'accord, très bien. Question qui... Oui, moi, je voulais vous demander votre opinion générale sur cette crise sanitaire. Est-ce que, voilà, comment vous, à titre personnel, cette crise sanitaire, comment vous la voyez, en fait? Moi, c'est vraiment, moi déjà, je vais te dire une chose, c'est totalement c'est du scandale. C'est du scandale. on nous met les pieds dans la merde et la merde commence à monter et je vais plus pouvoir respirer au bout d'un moment. Donc ça va péter. Au bout d'un moment, ça va péter, je vous le dis. Hein. Ça c'est clair, ça va péter au bout d'un moment. C'est aberrant ce qui se passe, hein. Parce qu'on veut pas acheter des masques et parce qu'on veut pas acheter je ne sais quoi là, et ben ça nous met dans la merde. Moi, je vous dis un truc, j'ai 60 ans, hein. Alors moi, je peux vous dire, j'ai peur de sortir de chez moi. Je m'étique tout le monde. Le si peu que j'ai fait les courses pour les gamins et tout le bordel. Et bon, là, j'ai un gamin de 14 ans et je pense que c'est lui qui va prendre les bagnoles pour aller faire les courses les prochaines fois parce que j'en ai peur, quoi. J'en ai peur. Quand je vais faire les courses, quand les gens s'approchent trop proches de moi, je gueule. Je crie. Je leur crie dessus. Je leur crie dessus pour qu'ils comprennent parce que sinon, c'est un bordel. Moi, j'ai 60 ans. Je suis quelqu'un qui est une personne à risque, qui peut y rester. J'ai pas envie d'y rester. J'ai encore des choses à faire, moi. Vous voyez? Ouais, mais on comprend votre inquiétude. Bien sûr, bien entendu, j'ai peur. Et puis je suis tout sidéré parce que là, ça fout. Bon, moi, j'en ai un peu rien à foutre parce que cabinet expert comptable, on se démerde tout le temps et puis on s'en fout quelque part parce que si on dépose des bilans, on n'a rien à secouer, on trouvera une entreprise plus tard. Qu'on se le dise. Voilà. Mais ça fait toujours chier pour une entreprise. C'est-à-dire que là, il y a beaucoup de dépôts de bilan qui vont se déposer dans les prochains mois, je peux vous le dire. Hein. Les petites entreprises qui se débrouillent toutes seules quand on n'est pas associé à l'État, ça va vire, ça. Voilà. Vous disiez, c'est peut-être pas votre première entreprise, vous avez peut-être déjà créé plusieurs avant, parce que vous parliez là du dépôt de bilan comme quelque chose de pas si dramatique que ça pour vous. Vous pourriez vous redresser et reformer une autre entreprise. Bah, si vous voulez, moi avant je viens pas du tout de ce secteur-là, moi. Moi avant, je viens de l'automobile. Ah oui. Donc, je dirigeais, donc moi je fais pas du tout de mécanique, hein. Moi c'est pas du tout mon truc, foutre les mains dans la merde. Non merci. Non, moi je dirigeais en fait, si vous voulez, des garages, plusieurs garages. D'accord. Voilà. Il s'avère qu'il s'est passé des problèmes, des problèmes d'agression. Régression sur employé-employeur, bon, il s'est passé certaines choses qui ont coûté quelques garages, et puis après, la réputation était que j'ai préféré vendre tout ça, stopper et changer de région, parce qu'avant j'étais plus vers l'Alsace, hein, Alsace-Lorraine, et donc j'ai préféré migrer vers le nord pour essayer de refaire un peu ma vie, quoi. Excusez-moi, cette histoire d'agression, là, vous parlez d'agression employeur-employé, c'est-à-dire que c'est... Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vous qui avez été agressé personnellement ou c'était au sein de l'entreprise? Enfin, c'est pas forcément clair pour nos auditeurs. Ah bah non! C'est moi l'agresseur! Ah, c'est oui. Moi l'agresseur! Ah bah oui, bah attends, dis donc! Attends, écoute, mais c'est quand même aberrant. Quand t'as un gars qui arrive et puis qui te dit, ouais, pourrais-je prendre 2-3 jours, ma fille vient d'accoucher? Ah bah mon petit bonhomme, quand tu m'as demandé ton week-end dernier, ça va pas le faire, hein! Donc je lui ai foutu une tape dans la gueule! D'accord. Je viens m'aimer ? Bah non, mais attends, c'est quoi ces conneries ? Alors il a voulu dire ce con, c'est qu'il a voulu se rebiffer. Et moi je fais 2 mètres, hein. Je fais 2 mètres et puis je fais 110 kilos. Alors autant te dire que si je te tombe dessus, je te tombe dessus, hein, qu'on se le dise. Alors bon, du coup je vais continuer à le taper pour qu'il arrête. Bah sauf que le problème c'est que ce con, 2 jours plus tard, il a déporté plainte. Et bah là forcément c'est plus compliqué, je peux plus faire justice moi-même ou quoi. C'est compliqué. Oui, bien sûr. Donc, bah, la main. Hein ? Bah oui, bien sûr. Donc, maintenant, j'ai des procès au cul. Donc, ça, c'est un sacré bordel. Sur les gens pour faute professionnelle et tout ça, tout bordel. Donc, là où c'est bien le confinement, faut quand même trouver des points positifs, hein, sinon, on s'en sort pas. Là où c'est bien le confinement, c'est que ça met en pause les procès. Ah oui. Et comment se passe là, en cette période de confinement, justement, le relationnel avec vos salariés actuels ? Eh ben, ça va, parce que du coup, on parle par Skype, mais ça veut dire que vu qu'il y a des bilans là, qui se font, hein, à la fin du mois, pour pas mal d'entreprises, il faut que je recrute. Alors, ben, ce que je fais, c'est que je fais des entretiens par Skype. Tu verrais le bordel. Oh, le bordel fini, le bordel, là, c'est un bordel pas possible. Je regarde, hier, je vois un gars, j'ai un gars là, qui s'appelait Jérémy, bon, je dirais pas son nom de famille. Je vois un gars, je débarque Skype, je lui demande, bon, est-ce que t'en veux? T'as la niette, t'en as? Et puis oui, tout penaud, il me dit, oui, mais c'est pas comme ça que ça se passe, putain! Ils font en avoir, ils font en vouloir, je sais pas, vous, là, qui êtes à la radio, les chroniqueurs, vous en voulez? Bah oui, un peu, on n'est pas tant payé que ça, mais on en veut. Bon, vous êtes pas con? Ah bah non. Enfin, en tout cas, pas d'après notre propre appréciation, non. Bon ben voilà, et ben c'est des gens comme ça que je veux, moi. Et ben, ben c'est bon, le gars, il est tout penaud, il sait pas trop quoi dire, ben mon petit bonhomme, hé, moi, il faut que j'ai... Une entreprise, je vais vous dire une chose, une entreprise, c'est un mur, hein. Ça veut dire qu'il faut des piliers. Il faut des piliers qui soient solides, qui soient stables, il faut des poids lourds, voilà, c'est ça, il faut des poids lourds, hein. Et donc, si on engage des petites branchinettes un peu frêles, et que ça se pète au bout d'un an, tout se casse la gueule. On est une unité de combat. Bien sûr, bien voilà. sûr. Voilà. Alors moi j'avais une question, alors plutôt peut-être un peu plus légère. Régis, je voulais savoir, parce que bon, là, on est sur des sujets assez lourds, quels sont vos loisirs en général, et est-ce que le coronavirus, est-ce que cette crise a impacté vos loisirs Ah ben totalement, là vous me parlez de loisirs, c'est clair. Qu'est-ce que fait un expert comptable pour se détendre, hein, c'est un peu ce qu'on se demande tous. Ah bah en vrai, voilà, je pense que c'est propre à chacun, hein. Moi déjà, je vais vous dire un truc, c'est que j'adore le dessin. Comment ? J'adore le dessin, moi, le dessin. J'adore le dessin, donc un des points forts aussi de ce confinement, c'est que je peux m'amuser à plus dessiner. Et je m'amuse à dessiner, moi, c'est beaucoup... je dessine nu. Ah oui, vous dessinez moi, du nu ? Ah non, je dessine pas du nu, je dessine, moi, nu. Ah, d'accord. Vous vous mettez voilà. nu pour dessiner. C'est ça. Moi, en fait, me mettre nu, ça me libère. Je sais pas comment expliquer. Ça, c'est un truc, vous savez, qui se passe des petites sensations au niveau des mains, hein, des sortes de fourmis, des big boudis au niveau des mains, là. Et en fait, en me mettant nu, je me libère de ma carcasse, si vous voulez, hein. J'emploierai ces mots-là, même si ça peut paraître ridicule. Mmh. Et j'arrive à dessiner. Je me mets aussi à la peinture, hein, peinture à l'huile. Donc, voilà. Et donc, moi, forcément, ce que j'adore, c'est quand on dessine, c'est qu'on adore aller voir les expos, on adore aller rencontrer tout ça. Bon, ça peut paraître très étrange, surtout vu d'où je viens, mais j'adore ça. J'adore ça, j'en aurais fait mon métier si j'aurais voulu à l'âge de 20 ans. Hein. Ah, d'accord. Et vous faites un genre de body painting ou vous utilisez quand même des pinceaux? J'ai du mal encore à visualiser un petit peu... Ah bah non, ouais. En fait, je peins comme un mec normal habillé, sauf que moi, je suis tout nu. C'est-à-dire que, si tu veux, moi, je n'utilise absolument pas mon corps. Bon, sauf pour les petites choses, vous me direz, voilà, hein. Mais sinon, ouais, c'est juste du trou de pinceau, quoi. C'est du pinceau, comme n'importe quel peintre, je m'amuse pas à faire du body painting ou je ne sais quoi d'autre, ou à pisser sur une toile ou chier dans un pot pour en faire de la marmelade. Moi, c'est juste, je peins avec du pinceau, alliage de couleurs, et ainsi de suite, quoi. Mais c'est juste que j'ai besoin, moi, hein, j'ai besoin de me mettre nu. Voilà. D'accord. Ça, ça libère mon énergie, quoi. Il y a une question de Douglas qui utilise le chat, hein, pour vous parler. C'est un peu plus pratique pour lui. C'est notre chroniqueur sur l'émission qui nous demande, grosso modo, je vais essayer de reformuler ça, sa question. En fait, est-ce que votre loisir est compatible avec le fait d'avoir vos enfants à la maison constamment? Bah, c'est ça qui est compliqué. C'est que bon, quand tu les as traumatisés 2-3 fois, il faut que tu fasses gaffe pour dire maman, quoi. Par exemple, moi, j'ai un petit bout. Bon. Il a 12 ans, donc c'est pas simple, le gamin, vous voyez bien, moi je sais qu'à 12 ans, quand t'as tes premières réactions, enfin je le dis comme ça, hein, voilà, faut pas non plus, hein, bon, c'est compliqué, bon bah quand il voit son père en train de peindre tout nu, il entend de chanter et crier, parce que forcément c'est une transe de peindre, bon, alors forcément ça choque un peu, quoi, donc ce que je fais, c'est que dès qu'ils ont mangé le midi, ou dès qu'ils ont mangé le soir, dès que j'ai un petit moment, un petit temps pour moi, je les enferme dans une pièce. D'accord, une pièce, vous leur mettez des jeux à disposition peut-être, un genre de une salle de jeu? Bon, oui, t'es merde, hein. Moi quand j'étais petit, j'avais un pneu et un bout de bois pour faire le monde et créer mon aventure. Alors, il veut bien se démerder avec une table à repasser et deux trois poignées, hein. Donc voilà, parce que je les enferme dans le guéridon, là, dans le cellier. Oui. D'accord, voilà, ok. Oui, vous avez une question. Oui, moi j'avais une question. Oui, alors pour l'instant, vous n'avez que des fils ou vous avez des filles également? J'ai pas bien compris. Non, alors j'ai un fils et 3 filles. D'accord. Oui. Et ça se passe bien entre eux, la fratrie, ils s'entendent tous bien? Oh, bah, il y a forcément des petites querelles, hein, mais faut dire quand même que je suis assez surpris d'ailleurs, parce qu'ils sont quand même assez soudés. Parce que bon, ouais, faut être honnête, un divorce, forcément, les gamins ils en pâtissent, quoi. Moi, ça fait maintenant, ça fait 6 ans que j'ai divorcé avec ma femme. Forcément, ça a eu un impact dans la famille, quoi, qu'on se dise. Alors forcément, moi, je sais que je suis pas à mon père. Je vais vous dire un truc, c'est que je sais que je suis pas à mon père. Je sais que je suis pas là quand il faudrait. Je sais que je suis pas tendre. Je fais pas des bisous, hein, voilà. On en fait plus, j'en fais pas. Donc, alors je sais que je devrais. Hein, j'ai suivi un psychologue hein, avec mes enfants pour essayer de faire avancer les choses parce que je suis peut-être un con, mais je suis un con qui évolue. Donc voilà. Mais ouais, j'ai 3 filles. J'ai 3 filles et puis elles sont magnifiques. Ce sont vraiment des super jeunes femmes. J'espère qu'elles se feront pas avoir par des connards comme moi. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui, bah oui, on leur souhaite. Alors, on va faire une petite pause musicale, Régis, si vous voulez bien, on vous reprend après. J'encourage les auditeurs à poser leurs questions sur le chat. On prendra les questions hein, qui ont déjà été mises sur le chat. Voilà. On va les poser à Régis juste après cette petite intermède musicale. Et on va s'écouter Supreme de Robbie Williams. Dans un circuit solitaire, tous en déserté d'heureux. Et si les plus belles sont déjà prises, si les plus beaux sont comme elles disent, que deviens-tu? Oh, tu prends la poste devant ta glace pour un nouvel inventaire. Avant d'y perdre la face, tous vous criez au secours. Nous voilà la lueur du jour, aimés en cours. Mais plus fort quand l'amour n'est plus là, que te reste-t-il pour survivre ici-bas? Dans le meilleur de toi-même, et tu trouveras l'amour suprême, l'amour suprême. Tu veux, et cela peut être seul qui t'empêche de jouer ton jeu. Entre l'amour et le plaisir, quel est vraiment ton désir? Tu dois choisir. Oh, oublie toutes ces choses de la vie qui reviennent pour toujours. Le grand vide de tes nuits, prends un ticket de ailleurs sans te priver de bonheur, d'aimer encore. D'aimer plus fort quand l'amour n'est plus là, que te reste-t-il pour survivre ici-bas? Dans le meilleur de toi-même, et tu trouveras l'amour suprême, l'amour suprême. And now she's screaming, so I gotta turn the track up. Sit back and watch the royalty stack up. I know this girl, she likes to switch teams. And I'm a fiend, but I'm living for a love supreme. Con l'amour n'est plus là, que tu restes vivre pour survivre ici-bas. Vous êtes toujours sur la radio des Boncons. Nous sommes toujours en compagnie de Régis. Alors, nous avons une question, Régis, pour vous, de la part de Madame Mona, qui nous demande, Régis, quel est ton animal totem ? Ah ouais ! Ah bah mon animal totem, moi, ce serait le buffle. Le buffle ? Le buffle, oui, parce que c'est hyper mystique, c'est hyper mythologique, cet animal. C'est-à-dire que, grosso modo, un buffle, c'est vraiment ancestral, c'est sacré, quoi, vous voyez. Et le poil long, c'est pour montrer qu'il a les antennes développées sur le monde. D'accord, oui. Donc moi, j'adore. Moi, c'est le buffle, et puis c'est un bel animal. Moi, je trouve ça magnifique. C'est vraiment un truc imposant, une structure, une masse métallique, voilà. Alors, on a une autre question de Douglas Wilson, hein, notre compère Douglas, qui nous demande... et moi, je vais la compléter. De par son expérience dans l'automobile, est-ce que Régis se considère comme un passionné de voitures ? Et si ce n'est pas le cas, Régis, quelles sont vos passions ? Oh, je ne pourrais pas me considérer comme un passionné, parce qu'il y a des passionnés qui sont vraiment passionnés, quoi. C'est-à-dire que, ils ont vraiment la firme mécanique, si je peux me dire, hein. La fibre, plutôt. Merde, pas la fibre. Mais, ça pue ça. Non, moi, ce que j'adore, c'est que je vous ai entendu parler de Belmondo tout à l'heure, là. Hein? Oui, tout à fait. J'adore ce mec-là, moi. Moi, c'est vraiment, tu vois, Belmondo, Ventura, des trucs comme ça, moi, j'adore, tu vois. J'adore les films de Belmondo, je suis un grand fan inconditionnel de Belmondo. Pour moi, je pense que c'est vraiment un des meilleurs acteurs du monde. Vous êtes un peu cinéphile, Régis ? Oh, cinéphile, je sais pas, moi. Je peux pas dire que je suis cinéphile. C'est comme si je te demandais si tu serais acrobate. Bon, voilà, je suis pas trop, moi. C'est-à-dire que j'aime regarder, j'aime m'intéresser. Je suis quelqu'un de curieux, mine de rien. Et puis, qui aime découvrir et croquer un peu dans la vie, quoi. Qui aime découvrir les choses. Ce serait quoi votre film de confinement, là, pour vous, idéal ? Le film de confinement qui serait vraiment génial, ce serait, par exemple, Le Professionnel, hein. Sinon, on a Le Marginal, L'As des As, ça c'est génial, Picou Voyou, ça serait magnifique, ça. Ou alors, si on veut rire un peu, c'est Itinéraire à l'enfant gâté, ça c'est magnifique, ça revient de très loin, ça vient totalement avec le confinement, c'est magnifique. Alors, on nous demande, on a une question, je regarde de qui c'est, de Joseph, qui nous demande, est-ce que Régis a une réserve de pastis pour le confinement ? Est-ce que vous êtes un amateur de liqueur ? Oh, le con ! Bah, écoute, forcément, hein, il faut bien se faire plaisir et se détendre un peu le soir, il faut pas se laisser abattre, hein. C'est pour là maintenant qu'on va faire un régime à 60 ans, hein. Même si attention, je fais attention à ma santé quand même. C'est pour maintenant qu'il va falloir. Bien sûr, j'en ai. Et puis ce que je fais, c'est que c'est très drôle qu'il me dise ça parce que je bois un peu de pastis et de la suze aussi, beaucoup. Je ne sais pas si vous connaissez l'école. Ah oui, oui. Vous êtes du Nord, évidemment. Quand je peins, je bois de la suze. J'aime beaucoup ça, moi. Ça libère, ça me met une sorte de flottement dans le crâne, c'est pas mal du tout. Ouais, une petite suze, hein. Ah bah ça fait toujours plaisir. Et puis là-dessus, je peux vous dire que c'est limité. Tu peux en boire sans pain, c'est le petit lait le matin. Vous buvez le matin, Régis ? Non. Non, ça m'arrive, mais Non, mais je vais dire non, parce qu'il y a peut-être bien des clients qui peuvent écouter puis j'ai déjà eu assez d'emmerdes comme voilà, ça, donc je dirais non. Mais c'est clair que le week-end, je me fais des fois plaisir, quoi. Oui. Comme tout le monde, hein, comme nous tous, de toute façon, bah voilà, il est bien... Non, mais voilà, c'est ça, il est bien 18h quelque part. Le matin, si on n'en parlait plus. Non, mais attendez, il y a aussi un truc où il faut se dire que le confinement, là, hein, ce qu'on est en train de vivre, c'est quelque chose d'assez pesant psychologiquement. Donc il faut aussi savoir se détendre, il faut aussi savoir s'anticiper et se libérer, quoi. Hein. Bien sûr. Bon. Et en fait, vous avez l'air d'être quand même quelqu'un qui, comme vous disiez tout à l'heure, vous êtes, je vous cite, hein, si vous me permettez, vous êtes un con, mais un con qui évolue, vous avez l'air d'être dans une démarche un petit peu de réflexion sur vous-même. Est-ce que un petit peu vos différends avec vos anciens employés, la situation de confinement qui fait qu'on est un petit peu forcé d'être avec soi-même et d'être confronté à ses pensées, est-ce que ça vous donne envie, ça vous fait réfléchir un petit peu sur des erreurs passées, sur comment évoluer en fait, tout simplement ? Ah, totalement. Déjà, je vais vous dire une chose, ma femme en premier, quoi. C'est-à-dire que les conneries que j'ai fait, par exemple, avec ma femme et comment ça s'est répercuté sur elle et sur les enfants, plus jamais je referai ça dans ma vie. Enfin, si je pouvais refaire les choses, je les referais différemment. Hein. C'est clair. Ça, c'est clair. Même principe au niveau des employés. C'est-à-dire que quand on agresse les employés ou quand on vient jusqu'à devant chez eux avec une batte et qu'on défonce la bagnole parce qu'ils voulaient pas, ils voulaient pas passer la serpillière ou voulaient pas passer le balai en garage, bon, c'était un peu excessif. Moi, je vous dis un truc, je suis un gars d'excès, moi. Je suis un gars d'excès, donc forcément, oui, on arrive à des situations comme ça. Il est clair qu'aujourd'hui, si j'ai un employé, moi, qui me dit, j'ai pas envie de le faire ou je le sens pas de le faire, écoute Régis, je ne m'y retrouve pas là-dedans, je vais essayer de plus t'écouter, oui. Donc forcément, ça me fait évoluer, et puis figurez-vous que ma fille m'a fait découvrir un truc, vous allez me prendre pour un fou, mais c'est des podcasts, j'écoute des podcasts en ce moment. D'accord, hein? Lesquels? Et alors, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Les couilles sur la table. Ah, mais oui, Chloé adore écoute énormément ce podcast-là. Ah oui, tu aimes? Non, du tout. C'est pas moi qui le fais, non, je n'aurais pas la Ah non, je confonds avec un autre. Est-ce que vous pouvez en parler pour nos auditeurs qui sont qui connaissent pas forcément Oh bah oui, après moi c'est que le début, hein. Mais si tu veux, grosso modo, c'est une nana qui a l'air d'être mignonne comme tout, hein, fait des petits podcasts comme vous là, hein. Mmh. Et puis ce qui se passe, c'est que elle invite des gens qui parlent sur la sexualité et sur le prisme qu'ont les hommes par rapport aux femmes et sur le patriarcat, quoi. Mmh. Hein. Et puis faut que je sois honnête, hein, c'est que je suis en plein dedans. Je suis clairement en plein dedans. C'est-à-dire que moi, je suis la majorité des gros cons. Je vais gueuler personne, hein. Mais c'est la majorité un peu des cons machos. J'en ai bien conscience. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il faut que j'avance avec ça. J'ai pas le gros choix. On m'a foutu ça dans les pattes quand j'étais gamin et puis quand j'ai grandi. Parce que moi, j'ai grandi dans un petit village. Mmh. Il faut que j'avance avec ça. Mais ça, par exemple, le podcast, là, ça me fait vachement avancer, quoi. Bon, ça prend du temps, mais ça me fait vachement avancer. Tiens, écoutez, là, hier, pas plus tard qu'hier, j'ai écouté un podcast sur les prostituées, sur les putes. Mmh. Faut arrêter de dire putain. Parce que putain, normalement, c'est pas ça. Normalement, putain, c'est une pute. Alors, faut arrêter de dire putain, tout va. Ça, par exemple, ça, je la découvre, je l'apprends. Bon. Et puis, vous l'apprenez aussi, Régis, merci, hein. Ah bah y a pas de souci. Je vais te dire un truc, c'est que je suis borné, je suis con. Mais bon, il faut essayer d'évoluer au dernier moment. Et puis j'en ai vraiment plein le cul de tous mes copains là de 60 ans qui. Moi je veux pas finir vieux con, déjà quoi. Bon, je suis bien parti pour, mais je veux pas finir un connard fou jusqu'au bout, quoi. Oui, bien sûr. Eh bien, on va enchaîner sur notre émission. Est-ce que vous avez un petit mot à passer justement, peut-être à tous les hommes qui sont un peu trop enfermés, comme vous pouviez l'être dans cette espèce d'idée patriarcale, d'espèce de virilité sociale. Totalement. Moi, j'aimerais dire à tous ces gens-là chose. Alors, attention, je vais vous faire des leçons que moi, je suis incapable de faire. Je vous dirais déjà, élevez vos gamins, hein. Ne protégez pas vos fils, c'est plutôt éduquer vos gosses. Parce que c'est clair que moi j'ai été un connard et j'aurais été éduqué différemment, peut-être que j'aurais mieux fait, pas trop de conneries, hein, j'aurais pas fait autant de bêtises. Puis surtout en fait évoluer, bande de cons, évoluer, parce que ça va pas. De toute façon, je vais vous dire un truc, c'est que la société va avancer avec ou sans vous. Je vois bien dans mon travail, mec, c'est comptable, hein. Donc ça veut dire que si tu évolues pas, si tu changes pas de position et tu te remets pas un peu en cause, hein, c'est ça qu'il faut dire surtout, tu te remets en cause, et ben t'avances à jamais. Donc remets-toi en cause, pignouf, et puis nous fais pas chier avec tes problèmes d'ego. Voilà. Merci Régis. Un beau message d'espoir en tout cas, jamais trop tard pour avancer. Et puis nos auditeurs apprécient beaucoup, hein, on a ces retours, ce Régis est un personnage plein de surprises, ou encore je l'adore, c'est un très beau message. Sous ces dehors abrupts se cache une réelle sensibilité. Voilà, votre discours a clairement fait mouche, hein, Régis. Merci à vous. Bah, on va passer à la maison quand on veut. Hein. J'habite dans le Nord, on va passer à la maison quand on veut. Hein. Je peux y amener l'apéro. Bien écoutez, on viendra prendre une petite suze, voilà. Avec plaisir. Et sous ces dehors abrupts se cache une réelle sensualité. Ça pourrait un peu définir la personne dont je vais parler dans ma chronique musicale. Et on va directement s'écouter un de ses morceaux. C'est Philippe Catherine avec Où je vais la nuit. Si tu savais où je vais la nuit, je nage dans tes yeux comme en Océanie, je marche dans tes cheveux sans trouver mon chemin. J'escalade tes seins avec l'aide des dieux. Si tu savais où je vais. J'embrasse tes ancêtres sur leur bouche adorée et toutes les terres qu'ils ont un jour foulées. Je les embrasse pareil à un nouveau-né. Puis je pleure un peu, pauvre con que je suis. Toi ou ton fantôme qui métamorphose mes nuits en royaume sauvage et délicat, reste dans mes bras. Si tu savais la nuit, je nage dans tes yeux comme en Océanie. Je marche dans tes cheveux sans trouver mon chemin. J'escalade tes seins avec l'aide des dieux. Si tu savais. Alors, du coup, c'était Philippe Catherine avec Où je vais la nuit, personnellement, un de mes morceaux préférés de Philippe Catherine, qui vient de son album 8e ciel, sorti en 2002. Et non, non, ce n'était pas son premier album. Le premier album de Philippe Catherine remonte à 1991. Voilà, on en diffuse tous les jours dans notre émission du Philippe Catherine, mais aujourd'hui, nous ne passerons pas de morceaux de l'album 52 reprises dans l'espace, parce que je voulais faire une chronique spécifique sur lui, et sa discographie est tellement dense, vaste, et elle passe par des chicanes, par des détours, par des recoins insoupçonnés, que je voulais un petit peu vous parler de lui plus en profondeur. Voilà, Philippe Catherine, on le connaît tous aujourd'hui, c'est un clown césarisé, un clown victoire de la musiquisée maintenant, en 2020. On est sur un artiste complet. Qui est-ce ? Alors, pour beaucoup, c'est une vaste blague, un mec à prendre en second degré. Je pense que c'est vraiment plus compliqué que ça pour ce qui est de Philippe Catherine. Je pense au contraire que c'est quelqu'un qui est plus premier degré qu'on ne le croit. Et plus on écoute d'interviews de lui, plus on se plonge un petit peu dans la façon qu'il a de voir, ou en tout cas de défendre sa musique, plus on se rend compte que non, ce n'est pas un clown. Loin de là, c'est même au contraire, je dirais, quelqu'un de très très poétique, qui se nourrit de sa candeur, de ses rêves d'enfant. Je vais vous faire un petit parcours déjà. Philippe Catherine, de son vrai nom, Philippe Blanchard, est un pur produit des Pays de la Loire, puisqu'il est né il est né à Thouars. Donc en Thouars, c'est Deux-Sèvres, si je dis pas de bêtises. Hop, hop, hop. Ouais, c'est à Deux-Sèvres, donc pas tout à fait, mais par contre, il a grandi à Chantonnay, pour ceux qui connaissent Chantonnay, dans le fin fond de la Vendée, pas la Vendée bankable à base de bord de mer, la Vendée profonde. Voilà, c'est quelqu'un qui a toujours été un grand sensible, qui pratiquait beaucoup d'art en général. Il a aussi fait du basket, hein. Il a même rêvé un temps d'en faire sa profession. Et puis, il a quitté le nid familial pour partir à l'université de Rennes 2, dans la fac d'art plastique. Hein, on sait que les plus grands sont passés par la fac d'art plastique de Rennes 2. Hein, beaucoup de mes amis, on pense notamment à Elian Dailly, un des plus grands des grands, qui a étudié à Rennes 2. Voilà, oui, Hubert Félix Typhon aussi, hein, on pense à elle, là je la vois sur le chat qui s'active, voilà, qui fait partie de ces grands qui ont étudié à Rennes 2. Kemal Messaadi aussi, un de ces grands qui est passé par Rennes 2, hein, on l'oubliera jamais assez. Petit ange parti trop tôt. Donc voilà, il sort un premier album en 91 que personne ne connaît, hein, dans les décennies des années 90, il va sortir trois albums très pudiques, parce qu'à cette époque-là, il compose tout seul. Sur son premier album, il n'ose pas chanter, il fait chanter les gens de sa famille, il fait chanter ses proches, il compose sur son... Évidemment, Jean-Jean, Ophélie Soulard, notre reine à tous, là, des bons cons, qui est passé par Rennes 2, hein, et on n'oubliera pas ses soirées endiablées dans son petit appartement du quartier de la gare. Année 90, donc c'est une année prolifique en tout cas, je veux dire, pour Philippe Catherine, qui compose des albums, mais dans l'intimité de sa chambre. Il est très pudique, il travaille tout seul, car il a un jugement assez dur sur son travail, et il a du mal à avoir des retours. C'est en 99 en 97 qu'il sort un album, qui va commencer à collaborer avec d'autres personnes, qui rencontre le groupe The Recyclers, qui vont le suivre sur plusieurs albums. Et c'est à partir de là qu'il va commencer à avoir une petite notoriété, dès 96 d'ailleurs, avec Mes Mauvaises Fréquentations, cet album, qui va avoir une petite notoriété, mais dans le circuit plutôt indépendant. Donc peut-être quelques collaborations artistiques, notamment avec Anna Karina, qui était une des actrices notamment de Godard, hein, pour laquelle il écrit un album, et qui va avec lui faire une tournée sur scène, donc un petit aboutissement pour lui. Il joue dans quelques films de ses copains, notamment Thierry Jousse, un réalisateur nantais. Et donc c'est avec The Recyclers, ce groupe influence jazzy, capable d'improvisation, qu'il va écrire cet album 8e Ciel. Donc c'est un compositeur, Philippe Catherine, il fait ses chansons, c'est quelqu'un qui bosse plutôt en piano-voix, et après il réarrange en live avec ce groupe-là. Et donc, de cet album, on a la chanson Où je vais la nuit, qu'on vient d'écouter, qui est magnifique, hein, qui est assez poétique. À cette époque, la Philippe Catherine n'est pas encore dans un personnage très burlesque. Il est plutôt dans la poète, dans une forme de poésie insouciante. Il écrit beaucoup en fonction de ses rêves, en fonction de ce vers quoi son inconscient le pousse. Hein. C'est à cette époque-là qu'il a écrit d'ailleurs son journal intime, là, qui est arboré de moult dessins, qui est d'ailleurs disponible. Et dont j'ai la chance de faire l'acquisition. Très touchant, hein, dedans on apprend d'ailleurs sa collection d'excréments, hein, qu'il peut faire chez lui, voilà, qu'il collectionne dans des pots. Et il collectionne aussi pendant un temps les petites pluches que vous savez, que vous pouvez retrouver en fin de journée dans votre nombril, là, de tissus accumulés. Voilà. Il y raconte quelques anecdotes de sa jeunesse, notamment sur son enfance très difficile, hein, où vous savez, il en parle dans cette interview, hein, où il a pu se retrouver en internat et... traumatisé, hein, par le fait de se retrouver d'un coup dans une sociabilité exacerbée et loin du foyer familial, il ne s'est plus lavé et en fait il s'est fait lyncher par ses camarades de classe. Il l'appelait poubelle. Il gardait leurs détritus pour les jeter dans sa chambre. Enfin voilà, vous savez, toutes ces espèces de brimades, de maltraitance qu'on peut retrouver à un âge assez ingrat qui peut être l'adolescence. Voilà, particulièrement quand on vit en confinement, comment dire, hebdomadaire. Voilà. Et alors, l'album qui le fait connaître davantage, c'est Robot Après Tout, sorti en 2005 avec le fameux J'adore, qui parle de la boîte de nuit qu'on peut retrouver à Clisson, qui existe encore, hein, le Luxor. Le nom Robot Après Tout fait référence à Human After All de Daft Punk, hein, donc là on est parti sur de la musique électronique, et là d'un coup, celui qui se faisait crooner candide devient d'un coup chanteur électro portant un boa rose, enfin voilà, on prend un autre univers et c'est là que Phil Catherine se fait connaître au grand public. Là il y a beaucoup de collabs, hein, voilà, il devient un peu plus bankable le coco, il écrit même pour Christophe Willem, hein, comme quoi tout arrive. Est-ce que Douglas Wilson demande, est-ce que Kayman collectionne ses excréments pour les jeter sur Chloé? Alors, oh mon Dieu. Non, on n'en est pas là. On n'en est pas là. Non, quand même, on n'en est pas à ce stade de folie de confinement. Bien heureusement. Non, on a construit une cabane. Oui, voilà. On est plutôt dans ce stade-là. Et alors, Philippe Catherine, en 2014, il nous sort un autre album. En 2010 déjà, on a son album. On va s'écouter ça, voilà. Son album, alors comment il s'appelle? Je crois que c'est juste Philippe Catherine, hein, tout simplement. Alors, est-ce que j'ai la filmo par album? Alors, qui s'appelle... Philippe Catherine, simplement. Qui est assez agréable à écouter, hein. Je vous le conseille, si vous voulez passer un petit moment de détente. Alors, il a changé de musicien. Cette fois, on est sur une formation très classique rock, batteur, bassiste, guitariste, et voilà. C'est là-dedans qu'on peut retrouver les chansons La Moustache, La Banane, Des Bisous. Et moi, je voulais vous faire écouter une autre chanson qui s'appelle Paris Vélib, où je trouve qu'on saisit totalement le côté à la fois peut-être clowneste, mais en même temps qui camoufle une vraie sincérité, une vraie poésie dans Philippe Catherine. On en parle juste après s'être écouté le morceau Paris Vélib. Si je peux vous donner un conseil, faites du Vélib la nuit sous extasie, la nuit à Paris. Faites du Vélib la nuit only. Les voitures qui dorment, les pavés qui dorment, les abribus qui dorment, la tour Eiffel qui dort, l'Olympia qui dort, la grande roue qui dort, les vêtements dans les vitrines de magasins de vêtements, les meubles dans les magasins de meubles, la Seine qui dort, les ponts qui dorment, tout le monde au dodo et moi sur mon vélo. Si je peux vous donner un conseil, faites du Vélib la nuit sous extasie, la nuit à Paris. Faites du Vélib la nuit only, la nuit, et on se croisera devant le Louvre, la pyramide du Louvre, et on se dira que le Louvre essaie de faire peur à la pyramide, alors que c'est la pyramide qui fait peur au Louvre. La pyramide ne se reflète pas dans le Louvre, alors que le Louvre se reflète dans la pyramide. Personne veut se voir tout le temps dans un miroir. Non. On se dira ça et on s'embrassera. Si je peux vous donner un conseil, faites du Vélib la nuit, only, la nuit. On Voilà, moi, c'est pour ce genre de paroles que j'aime beaucoup Philippe Catherine. On peut croire que tout est second degré, et en fait, il y a toujours quelque chose de profond, qui fait appel à nos angoisses, à nos peurs enfantines ou adultes. Hein, et moi, ce que je trouve assez fou dans ce morceau, c'est ces paroles-là. C'est le Louvre fait peur à la pyramide, et c'est la pyramide qui fait peur et en fait c'est la pyramide qui fait peur au Louvre. Personne veut se voir dans un miroir toute la journée. On part d'un truc anodin, on part d'un truc un peu bête ou frivole pour finalement finir sur quelque chose de une espèce de vérité profonde qui nous touche tous les êtres humains, et c'est ça que je trouve assez fort chez Philippe Catherine. Donc c'est pour ça que pour moi il y a quelque chose de plus que du simple clown du guignol de service. Donc Philippe Catherine, à côté de ça, ça reste non moins un crooner. Hein. Il suffit de voir son passif sentimental. Hein, quand même, voilà, il a eu plusieurs compagnes comme Elena Noguera, Jeanne Balibar, et puis aujourd'hui Julie Depardieu. Donc voilà, quand même, on imagine les repas de famille avec le beau-père Gérard et Philippe en train de boire des coups et de manger. Et on se dit qu'on aimerait bien déjeuner à cette table quand même. Hein. Philippe Catherine, qu'est-ce que c'est après? Bah après c'est 2014, c'est une collaboration avec le DJ du label Headbanger Sébastien. Donc il fait un album qui s'appelle Magnum, et là on est sur de l'électro, de trucs qui puent l'été, qui puent la plage, qui mettent de bonne humeur, de la grosse production, des synthés de partout. Pour ceux qui connaissent Sébastien, hein, c'est un truc qui tabasse un peu, hein, à voir en concert, c'est assez barré. Et Philippe Catherine qui collabore avec lui. Ce qui va sûrement lui donner des idées hein, pour son dernier album, sorti en 2020, où on était sur du Confession, hein, qui est sorti en 2019. Donc entre temps, il y a eu d'autres albums, hein. Il a fait Le Film, qui est un album de piano-voix complètement barré. On a pu le voir dans les recettes pompettes, magnifique. Hein. Incroyable. Et voilà, et également au cinéma, on le sait, hein, César, cette année. 2018. On est sur un Philippe Catherine polyvalent qui s'est joué de ses charmes derrière son espèce de d'insouciance. On sait bien qu'il y a un vrai fond. Alors parfois il se cache hein, derrière cette idée de naïveté, cette espèce de fausse naïveté, mais on ne se fait pas prendre. Et d'ailleurs, dès la première chanson de son album Confession, Bébé Panda, il se permet de gifler notre président Macron. Je vous conseille de l'écouter, ça fait du bien, hein, parce qu'on en a tous envie. Alors oui. Certes, c'est un montage audio, hein, certes, c'est une métaphore, ou en tout cas un défouloir de substitut, mais qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre Macron parler et le son d'une claque sur sa gueule juste après. C'est jouissif, et Philippe Catherine le fait. Et derrière, il se permet de répondre avec grande naïveté sur les plateaux de télé quand on lui pose la question « Pourquoi une claque à Macron ?» et il répond tout naïvement, tout gentiment, tout benoîtement. Eh bien, tout le monde mérite bien une petite claque de temps en temps. Et voilà, c'est ça Philippe Catherine, c'est ça. Et on va s'écouter du coup, pour finir cette chronique, le morceau « Pas tout seul » qui vient justement de cet album Magnum produit par Sébastien. Ça met du bonne humeur, ça fait bouger son cul, et après on revient pour le jeu concours habituel de notre fin de matinale. A tout de suite les cocos. Poubelle, il a l'air d'un con. Non, je suis pas science exacte. Il existe des erreurs, bien entendu, mais ces erreurs font partie de la vérité. La vérité étant toujours démodée. Si je suis les boulevards, je me retrouverai chez moi. Nous sommes... Bonjour. En guerre. Bonjour. En guerre. La matinale des bons cons. De 10h à 11h. Et vous êtes toujours avec nous sur la radio des Boncons, il est 11h15. Nous avons un rêve de Louison. Louison qui nous dit. On dirait un discours politique là, vous commencez. Ah oui? Nous avons un rêve! We have a dream! Alors, il y a Louison. Pardon, je suis très dans les fumines. Ouais, Louison qui nous dit: cette nuit, j'ai rêvé que j'étais dans un parc d'attractions Star Wars, lui-même dans l'univers de Star Wars. Je n'ai jamais vu Star Wars, j'y connais rien. On nous file des flingues qui font des lasers. Et on nous dit que le but c'est de toucher le plus de cibles, les cibles étant placées sur les gens. J'adore gagner, alors je joue de ouf, je finis par gagner, même si je suis obligée de viser certaines personnes de ma propre équipe. Bref, peu importe, je gagne. Sauf que ce qu'on ne m'avait pas dit, c'est que quand on gagne le droit, enfin l'obligation, de tuer son père. Ça me rend pas content, du coup je fais croire que j'ai triché et que je n'aurais jamais dû gagner. Et en tout cas, vos rêves, Louison, sont toujours à base de... Il y a toujours des gens éliminés, on a l'impression. Hein. Oui. Il y a des gens à virer de votre passage afin que vous arriviez à vos objectifs. Oui. Il y a quelque chose comme ça. Clairement, vous êtes peut-être retenu par des gens dans votre vie sociale, Mais... dans vos cercles familiaux, cercles amicaux, professionnels peut-être. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est pas n'importe qui. Hein, parce que vous ne sacrifiez pas pour autant votre père. Donc c'est des gens spécifiques peut-être, ou en tout cas il y a des gens qui vous retiennent, mais c'est pas pour autant que la fin justifie les moyens pour vous, et vous n'êtes pas prêt à sacrifier des valeurs intrinsèques, ou en tout cas tout sacrifier pour cette réussite, et c'est ça qui malgré tout est beau. C'est vrai. Bon, c'est beau parce que, par antenne, j'avais exactement la même analyse. Ben évidemment, mais nous sommes connectés, Doug, vous le savez bien. Alors, c'est complètement faux, vous pouvez dire aux auditeurs, Doug, ce que vous avez dit sur le rêve de Louison. Mais si, j'ai dit que la fin ne justifie pas toujours les moyens. Et après aussi, c'était sa conscience qui la poursuivait du fait qu'elle triche tout le temps quand il y a une compétition. Oui, il y a quand même cette idée d'objectif à atteindre qui vous semble très très cher. Ça, je pense que c'est vraiment parce qu'elle est bélier. Oh, on a Madame Mona qui commente. Ah, c'est toujours la même interprétation. Mais parce qu'on tourne toujours au même sujet. De toute façon, le subconscient, tant que vous n'avez pas fait acte de quelque chose qu'il veut vous dire, il va tout le temps vous travailler avec le même sujet. C'est donc voilà, nous on revient avec la même analyse parce que c'est cette même chose qui travaille. Et après, vous avez commenté, moi je pense que sa conscience de tricheuse la travaille. J'aurais jamais dû gagner. Je suis à peu près d'accord. Alors, c'est vraiment, excusez-moi Madame Mona, mais c'est vraiment de la philosophie de comptoir, hein, ce que vous dites. C'est parce que c'est la première idée, c'est la plus logique, mais il faut toujours aller plus loin. Hein. Quand vous avez un symptôme n'est pas la maladie, il faut creuser plus loin, il faut aller voir derrière ce qui se cache, derrière ces symptômes, si je peux me permettre. Très bien, très bien. Je concours. Ouais, allez, bah, c'est parti. Si vous avez d'autres rêves ou d'autres questions, allez-y, c'est le moment. In the meantime, comme on dit outre-Atlantique, Allez sur la page Facebook de la radio des Bangkang. Allez sur la dernière publication. Dernière publication qui est donc aujourd'hui. Qui est Régis. Qui est Régis. Je vous ai présenté Régis, on a mis sa tête. Voilà, Régis, notre invité de tout à l'heure, chef d'entreprise, hein, expert chef expert comptable, si je ne veux pas écorcher son titre. Saint-Amand-les-Eaux, dans le nord Pas-de-Calais. Voilà. Et voilà, vous allez là-dessous et vous préparez à commenter du nom du film que j'ai vu hier soir et dont j'ai oublié le nom. Je rappelle que je n'ai pas triché dans un rêve, Louison précise, je gagne parce que je suis trop forte, désolé, pas désolé. Et vous avez bien raison de le repréciser, hein. Parce que j'ai le sentiment qu'il y a un... Oui, Doug ? Techniquement, elle a triché pour ne pas avoir éliminé son père. Ah parce oui. Elle fuit son destin en trichant encore une fois. Voilà. Mais peut-être que, Louison, peut-être que votre réputation vous précède. Hein. Non, je joue ici, moi, parce que je suis bélier. Eh ben, voilà. Donc, on a dans le même message, on a « Je rappelle que je n'ai pas triché ». Et ensuite, on a un aveu de future tricherie totalement inopinée. Voilà, Louison, vous êtes tout entière et fidèle à vous-même, j'ai envie de dire. Malheureusement... Comment ? C'est tout à son honneur. C'est tout à son honneur. Ah voilà. Alors. Alors quel film est-ce que vous avez vu hier, mon ami Kéman ? Alors qu'est-ce que j'ai vu hier ? Bon, bah alors, je me suis posé pépouze. On a fait la cabane avec Chloé. On s'est mis dans le fond des coussins, les trucs rembourrés, trop bien. Il y avait le petit chat qui nous cassait les couilles. Et on a maté un film, on était là, mais qu'est-ce qu'on va choisir comme type de film ? Une comédie romantique, un truc comme ça ? Je fais, bah non, on va regarder une fresque sociale. Quel bâtard. Donc voilà, c'est une fresque sociale. Et en même temps, c'est aussi un petit peu... je pense qu'il y a une histoire de jeu sur la virilité, parce que c'est des mecs qui se retrouvent... qui sont dans des situations multiples. C'est des situations multiples en termes professionnels, qui vont se retrouver à faire... à jouer de leur corps, finalement. À jouer de leur corps, j'ai envie de dire ça. Hein. Voilà, hein. Pour déconstruire peut-être des codes de ce que c'est la virilité, et là, petit écho, petit rebondi sur ce que Régis disait tout à l'heure. Voilà, qu'est-ce que l'homme nu, qu'est-ce que l'homme à poil, est-ce que l'homme à poil garde encore cette virilité, est-ce que la virilité n'est pas finalement une construction sociale, toutes les questions sont posées finalement, hein. C'est un film choral, mais un choral sans le E à la fin, parce qu'on est quand même sur un truc très masculin, et pourtant, on a plusieurs choix, effectivement, ça a été très très vite ce matin, Et pourtant, il y a toujours cette question, moi c'est ça que j'aime bien quand je vois toute une bande de gens qui pourraient être des alpha mâles, ou pas d'ailleurs, hein, et qui se retrouvent nus, dépecés de leur éventuel apparat de renforcement social, vous savez, toutes les fringues, tous ces trucs qui peuvent un petit peu nous donner de la contenance et nous cacher, finalement c'est une seconde peau, c'est un masque, c'est la carapace du homard dont je vous parlais hier, ah. Alors, il faudrait peut-être pas commenter avec le truc de la radio des poncons. Ah, c'est notre chef, elle a tous les droits, évidemment. Donc, ouais, il y a déjà des gens qui ont trouvé, donc je vais... Voilà, je vais processer. Donc, oui, non, il y a ce truc-là, mais malgré tout, cette bande d'hommes plus ou moins ventripotentes, alors avec Alpha Mal ou pas, parce qu'il y en a toujours un qui est plus sensible que les autres, on le voit, et forcément... Dans les vestiaires, ça devient toujours le bisu, hein. Comme moi au foot, j'étais le petit sensible, j'étais. Enfin ouais, tous ces trucs-là qu'on peut entendre et qui te cassent le moral, qui te cassent. Alors qu'en fait, les gens qui font ça, c'est souvent que eux-mêmes envient cette sensibilité débordante, mais qui ne l'assument pas parce que socialement, un homme, c'est des grosses couilles, c'est des gros bras, c'est. Je vais monter un muret, moi je vais faire du ciment, j'ai la bétonnière et tout. Et c'est plus que ça, être un homme, c'est plus que ça. Et le fait d'être dirigé par une femme dans cette entreprise, pas une entreprise genre on construit des trucs parce que j'ai dit mur entreprise, après ça va vous perdre. Non, l'entreprise, on entreprend quelque chose, et dirigé par une femme, en plus, en fauteuil roulant, il y a ce truc-là de fermer vos gueules, c'est pas parce que moi je suis là que vous devez faire les kékés parce que vous êtes des mecs, parce que de toute façon vous êtes tous en slob, là, en speedo, et vous faites pas trop les malins. Et moi particulièrement, j'avoue, j'ai bien kiffé Philippe Catherine dans ce film particulièrement quand même, on va pas se mentir. Hein. Franchement, normal César, normal qu'il ait son César, quoi. Il est touchant, il est émouvant, j'ai bien aimé, quoi. Donc on est donc c'était le grand bain. Ben voilà, j'ai fait full Catherine aujourd'hui, j'ai fait full Catherine. Et c'est donc Pimpin Retorpeur hein, qui a gagné. Ouais. On a eu des belles propositions. Hein. On a eu deux fois The Full Monty. Alors ça c'est bien vu parce que c'est notre camarade Douglas qui m'avait suggéré d'orienter éventuellement dans cette direction pour vous feinter. Le Cœur des Hommes, j'aime bien, ça c'est parce que ouais, ça nous fait marrer avec Joseph, Le Cœur des Hommes, ils ont morflé les Spice Girls, ça c'est... Et on avait Yamakasi, alors oui d'accord, pourquoi pas. Alors là je l'ai pas. Billy Elliot aussi, ouais. Et on avait Jackie au Royaume des Femmes. Ah ouais, ça c'est bien ça comme film aussi. Alors ça, je pensais pas aller par là, par contre je vous le conseille. Jackie au Royaume des Femmes de Riyad Satouf, il me semble qu'il est sur Netflix, c'est un très très bon film pour déconstruire un petit peu le patriarcat auquel Régis s'attaque tout juste, mais bien décidé à détruire les codes. Tout à fait. Elsa qui a gagné hier, m'a-t-elle envoyé un message de dédicace? Elle nous a dit qu'elle bosse aujourd'hui. Oui, elle me l'a envoyé. Mon message pour la matinale, bonjour à l'équipe de la matinale, surtout toi, toi et toi. Je voulais simplement faire un coucou par les ondes à ma maman que j'aime et j'en profite pour annoncer aux fidèles auditeurs de la radio que Nadia sera bientôt sur le Discord. Oh waouh! Et aussi un coucou. Et aussi un coucou à Tiffaine au cas où elle écoute. Au cas où elle écoute. Oui, Tiffaine, au cas où tu écoutes. Voilà. On t'embrasse et on te souhaite bien du courage car elle est infirmière au CHU de d'Angers en réanimation. Alors on l'embrasse très fort. Ouais, bon courage. Et bon courage à toutes les infirmières, les aides-soignantes, les caissières et pas les pondées, hein, évidemment. Et hein. ACAB. Voilà. 1-3-1-2. Voilà. On va se quitter, on va se dire au revoir les cocos, Doug. Tout à fait. On se retrouve demain est un autre jour. Demain est la fin du monde pour moi. Ouais, bien sûr, tout le monde le sait. Et c'est la fin du monde pour vous demain, et aujourd'hui c'est la fin du monde, c'est le début de la saison 1 d'How I Met Your Mother pour Charles Ellie et ses 27 ans, hein, première saison. Ouais. Et ce bâtard il a déjà trouvé la Mother, et ben moi ça me casse les couilles quand il y a des trucs qui se passent comme ça. Moi je sais que je vais devoir attendre la saison 9, hein, avoir 35 ans pour trouver une zoulette. Si vous êtes une zoulette et que ça ne vous dérange pas de sortir si ça ne vous dérange pas de sortir avec un mec un peu border, raciste, antisémite... franco-algérien. Ouais, et que les moustaches ne vous rebutent pas, bah contactez-moi via le Discord de Radio des Boncons. Sur ce, on se dit bonne journée. Oui, tout à fait. Je voulais vous rappeler qu'aujourd'hui c'est la journée internationale de l'ASMR et donc n'hésitez pas à faire un peu d'ASMR. Toujours très agréable. L'ASMR, sa mère, comme on dit. Voilà, c'est tout. Et on va se quitter dans la joie, la bonne humeur, avec un morceau qui fleure bon, KD2A. Je précise pourquoi, hein, c'est parce que c'est l'anniversaire d'un des membres de ce groupe aujourd'hui. Ça, c'est vraiment une excuse à la con, parce que... C'est vraiment pour ça qu'on l'a mis, sinon on l'aurait pas mis, bien évidemment, vous me connaissez. On apprécie pas ce genre de musique, ce genre d'humour, vraiment, ça ne nous touche pas. Voilà. Donc voilà, pardon, je vous ai coupé, reprenez. Non, mais y a pas de souci, on va s'écouter du coup un morceau qui va sentir bon, KD2A et le France 2 de notre adolescence. C'est Don't Stop Moving de S Club 7. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée, les copains aussi. Bonne journée. Bonne journée. Bisous. Yeah, come on. DJ got the party started, there's no end in sight. Everybody's moving to the rhythm that's inside. It's a crazy world, but tonight's the right situation. Don't get left behind. I can feel the music moving through me everywhere. Nation, baby. La radio des bons coups, la radio des bons confinés, mais pas finaux, la radio des bons cons.